Inosai Bonima, Nassoura Mise en Onde, merci pour votre fidélité, amis auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée, dont voici d'abord les grands titres. 15 mois, c'est le délai qu'a accordé le Premier ministre à une entreprise, Angélique International, chargée de construire le barrage hydroélectrique de Kaburanwa-Kabo 16. C'était lors de la visite qu'il a effectuée à ce chantier, le mardi, vous l'entendrez. Au sommaire également, ces deux syndicats, SINAPA et CSNTS, qui dénoncent l'opacité dans la gestion des fonds publics par le ministre de la Santé publique, ainsi que l'absence du dialogue social, ce que refute le ministre Tadeni Komana. Vous en aurez les détails tout à l'heure. Le prix du charbon a augmenté ces derniers jours, soit 3 000 voire 4 000 le sac. Et les consommateurs de ce produit demandent qu'il y ait des produits alternatifs. Et dans la chronique par les rations moi, on va vous parler de la lutte contre les messages qui appellent à la vengeance. Et voilà pour l'essentiel. Bonjour, sécurité pour débuter cette édition. 89 grenades ont été explosées dans l'après-midi de ce mardi par la police, assistée par l'administration et la police de la protection civile entre les collines de Shingerugero, en commune et province de Kirundo, comme le signale le gouverneur de la province Kirundo, Albert Hatungimana. Ces grenades ont été saisies en grande majorité dans les champs de culture des particuliers, dans les latrines et d'autres dans les ménages. Il demande à la population de sa province d'être vigilante et surtout signaler là où se trouve une arme explosive et également pointer du doigt à quiconque serait en possession d'une arme à feu. Ces armes ont été saisies dans la période de 3 à 4 ans selon les instances de sécurité en province de Kirundo. Et le syndicat des travailleurs de la santé, SINAPA et SNNTS, accuse le ministre en charge de la santé publique de mauvaise gestion des fonds et d'être contre le dialogue au travail. Dans une correspondance que ces syndicats ont envoyée au Premier ministre le 18 février dernier, il montre que cette situation crée un climat malsain au sein de son ministère. De son côté, le ministre Tadeni Komana trouve que ces syndicats ne visent que nuire sa personne. Il explique plutôt que ces explications sont mensonges, que ces allégations sont mensongères et grossières, comme contenu dans une correspondance que le ministre Tadeni Komana a transmise au Premier ministre. Les détails avec Pierre Claver-Barundi. Entre autres accusations de ces syndicats contre le ministre Tadeni Komana, c'est l'absence de dialogue social avec le personnel de santé depuis qu'il est à la tête de son ministère. Une autre allégation, c'est la mauvaise gestion des ressources humaines, surtout à travers des mutations et des affectations partiales. Ces syndicats dévoilent que ceux qui obtiennent des facilités sont ceux qui paient des pots de vin, tandis que ceux qui dénoncent des malversations et d'autres fautes en sont victimes. Dr Tadeni Komana est accusé d'avoir procédé à la privatisation de toutes les morgues publiques depuis 2019. Autre chose mentionnée, c'est la gestion dite opaque dans les ressources matérielles et financières destinées à la lutte contre le COVID-19. Les syndicats SINAPA et SNTS montrent que le ministre Tadeni Komana viole le principe d'égalité des citoyens devant le service public. Enfin, les leaders de ces syndicats du secteur de la santé dénoncent la suggestion du non au bureau du président de la République d'un directeur général du centre neuropsychiatrique de Kamenge, dite chez Le Gentil, alors qu'il n'en a pas les prérogatives selon ce syndicat. Sur toutes ces accusations, le ministre Tadeni Komana les balaie d'un revers de la main. Dans une correspondance qu'il a adressée au Premier ministre Alain Guillaume Bugnoni le 24 février dernier, il écrit, je cite, « Excellence Monsieur le Premier ministre, l'objet de la présente est d'apporter des clarifications par rapport aux faits graves nous reprochés, non pas dans le souci d'accompagner le gouvernement, mais plutôt dans l'intention cachée de servir des intérêts de leurs parents qui ne veulent pas se révéler au grand. » Fin de citation. Il explique que concernant le dialogue, il est lui-même responsable du cadre de dialogue social. Il affirme que les moyens alloués à la lutte contre le COVID-19 proviennent du ministère des Finances et sont gérés de façon transparente selon les explications du ministre Ndikumana. Ce qu'assume le ministre de la Santé, ce sont les mutations et affectations du personnel de la santé, et cela sans partialité. Il reconnaît aussi la convention entre le ministère de la Santé et la GEMOF Burundi en ce qui concerne la gestion des morgues publiques. Concernant la nomination du directeur général du CNPK, dit Chelo Gentil, le ministre Tade Ndikumana écrit qu'il ne fait pas de commentaires à ce qu'il appelle des mensonges et grossièretés. Merci Pierre Claver. Burundi, les Burundais qui souffrent de la surdité aussi entre 6 et 11%. Déclaration de l'assistant du ministre de la Santé publique ce mercredi lors de la célébration de la journée mondiale de l'audition. Une journée célébrée pour la première fois au Burundi. Onesor Nzigirabaga précise que les actions accessibles telles que la sensibilisation, la vaccination de certaines maladies infectieuses et l'usage efficient des médicaments toxiques doivent être promus pour tous les prestataires des soins de santé à tous les niveaux. Après une courte pause, parlons environnement. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le prix du sac de charbon a augmenté, passant de 19 000 francs burundais à 23 000 francs burundais pour le petit sac. Le petit sac, quant à lui, s'achète entre 37 000 francs burundais et 40 000 francs burundais. Certains acheteurs du nord de la capitale économique qui s'approvisionnent au détail disent que le prix du charbon est passé du simple au double, ce qui rend difficile la cuisson des aliments. Certains vendeurs, quant à eux, expliquent que cette hausse, ces deux prix, est due en grande partie à la diminution des arbres sur les collines et les mesures de protection de l'environnement. Ils demandent au gouvernement de trouver d'autres sources d'énergie alternatives, à l'instar du gaz et autres, pour résoudre ce problème. Reportage signé Armel Moutouri. Turabona ko byahindutse cyane turonka amakara make cyane nta naho bihuriye nayo mu minsi twahora turonka amakara y'amajana 5 n'amakara make cyane abaye. Ce sont les lamentations de certains habitants du nord de la capitale Bujumbura sur la hausse du prix du charbon. Turabona ko byahindutse cyane. Cette dame par exemple dit que pour cuire ses aliments, elle utilise 2000 francs bou pour l'achat du charbon nécessaire contre 1000 francs bou l'année passée, ce qui pèse sur les revenus de son ménage. L'un des commerçants qui s'est entretenu avec la radio Isanganiro confirme et dit que le petit sac de charbon est passé de 20 000 francs bou l'année passée à 23 000 francs bou. Le gouvernement devrait trouver des alternatives à l'utilisation du charbon, notamment la tourbe et le gaz. Selon cet utilisateur de charbon, en exonérant le gaz, le gouvernement résoudrait la question de la protection de l'environnement suite à la réduction de l'usage du charbon. Dans le Conseil des ministres du 17 février cette année, cette question de la protection de l'environnement et de l'usage du gaz comme source d'énergie était à l'ordre du jour. Justement, Armel, la gestion des ressources forestières au Burundi a retenu l'attention du Conseil des ministres du 17 mars de cette année. Ce conseil a montré que les quantités de perches utilisées augmentent au jour le jour, ce qui a comme conséquence la pénurie du bois et la dégradation forestière. Ce conseil a recommandé l'utilisation d'autres substituts du bois, notamment le gaz. Suivez plutôt Prosper Nagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Les perches servent à divers services, dont la construction des maisons, les clôtures et les échafaudages. Les quantités de perches utilisées augmentent au jour le jour. Cela fait que la couverture forestière diminue. Les principales conséquences sont la pénurie du bois, la dégradation forestière, la perte de la diversité, l'érosion du sol, la dégradation des terres, l'accroissement de la pollution de l'air, etc. Pour garantir la gestion durable des ressources forestières et atténuer l'impact négatif dans l'utilisation abusive de ces ressources, il importe d'édicter des règles régissant la gestion de l'utilisation des produits forestiers, en commençant par les perches qui sont actuellement les plus sollicitées. C'est l'objet de ce projet de décret. Après échange et débat, le Conseil des ministres a constaté que la mise en place d'une telle réglementation nécessite des préalables. Il a recommandé d'évaluer d'abord les mesures de prévention qui ont été déjà prises dans ce cadre et, en cas de besoin, les renforcer. Il a en outre recommandé d'envisager des mesures qui incitent à l'utilisation d'autres substituts du bois, comme les échafaudages métalliques, le gaz, etc., en octroyant des facilités à ceux qui veulent les importer. Le ministre en charge de l'Intérieur et celui en charge de l'Environnement devraient également sensibiliser les différents responsables provinciaux et communaux sous leurs ordres sur l'importance et l'intérêt de la bonne gestion des boisements. Prosper Nhaogwamie, il est secrétaire général du gouvernement environnement, toujours à 13h07 dans les yeux de la radio Isanganiro. Il s'observe des épaves dans certaines rues de la zone urbaine d'Obuyenzi. Certains mécaniciens rencontrés à la 4e avenue de cette zone disent que ces épaves sont destinées à être vendues. Toutefois, ils n'ignorent pas la pollution de l'environnement suite à l'huile sortant des moteurs des véhicules déclassés, mais qu'ils n'ont pas d'autre choix étant donné qu'il n'y a pas d'autre place pouvant accueillir ces épaves. Ils demandent par conséquent un endroit destiné à cette fin. Les détails avec Vessine Boutoui. À la 4e et 5e avenue de la zone Ebuyenza, en mairie d'Obujumbura, s'y observent des épaves, des véhicules déclassés et ceux qui sont en train d'être réparés. Le sol sur lequel se tassent ces épaves et véhicules est de couleur noire, tout comme l'eau qui se trouve dans un caniveau traversant cet endroit. Des mécaniciens rencontrés à la 4e avenue de cette zone disent que cette couleur de l'eau et du sol est le résultat de l'huile sortant des moteurs des véhicules déclassés. Ils signalent que ces épaves sont là pour être vendues, en dépit de la pollution de l'environnement. Suite à ces huiles sortant des moteurs, quand elles sont emportées par la pluie vers les rivières, ces mécaniciens déplorent n'avoir pas d'autre choix puisqu'ils n'ont pas d'autre place pour le stockage de ces épaves. Le chef de la 4e avenue de la zone Ebuyenzi, Dieudonné Vzamongu, fait savoir que les véhicules réparés sont automatiquement retirés des rues par leurs propriétaires. Et pour que les épaves soient enlevées dans les rues de la zone Ebuyenzi, Dieudonné Vzamongu demande la disponibilisation d'un endroit pouvant accueillir les épaves enlevées des rues. C'est au moment où le maire de la ville de Bujumbura avait ordonné au mois de novembre 2018 de dégager les épaves des rues et de ne pas dépasser 17 heures pour les véhicules en réparation. Merci Vestine Boutoy. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Cap en Provence Lumonge, où les femmes rurales de la commune et Provence Lumonge apprécient différemment la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour les unes, cette journée est à l'origine de la promotion de l'égalité des genres, et pour les autres, cette journée ne peut les empêcher de vaquer à leurs activités quotidiennes, assurant leur survie. Les détails dans cette correspondance de Jean-Pierre Misako. Pour elle, toute journée de travail est une fête dédiée à la houe. Elle s'appelle Liouire. Elle rentre des activités champêtres dans la vallée de la rivière Dama, accompagnée par un journalier qui transporte des épis de maïs fraîchement récoltés. Selon cette femme rurale, la célébration de la Journée internationale de la femme ne peut pas l'empêcher de vaquer à ses activités champêtres. Elle explique que laisser de côté ses activités champêtres pour aller célébrer le 8 mars entraîne le manque de vivre à ses enfants. Dans ces conditions, elle dit préférer les activités champêtres pour nourrir ses enfants. Niouhire dit soutenir tout effort allant dans le sens de la promotion de la femme, mais le mieux serait, selon elle, que même la femme rurale soit concernée. De son côté, Zeymana, une autre femme rurale, fait une autre lecture. Pour elle, cette journée a permis à la femme de s'émanciper et de se lancer dans des activités jadis réservées aux seuls hommes. Et il s'agit là des actes utiles même dans l'avenir de la famille. Même son de cloche chez Hatangimana, qui appelle les femmes rurales encore hésitantes à rejoindre les autres pour une autonomisation de la femme qui ne fait que la valoriser dans la famille. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Jean-Pierre Misago, tout de suite, la chronique parle, rassure-moi. Parle, rassure-moi. La vie d'une personne dans le passé et son éducation l'incite à penser à la vengeance. L'expert en transformation des conflits, Désiré Ndagijimana, signale qu'avec ce sentiment, cela nuit sa santé mentale, comme avoir la dépression. Selon lui, il faudrait des sensibilisations sur les conséquences de la vengeance dans le but de lutter contre ce sentiment. L'éducation ou sensibilisation à la vengeance est due souvent à l'histoire du passé et ou aussi à l'éducation que les personnes ou groupes de gens ont eu dès l'enfance. L'expert en transformation des conflits, Désiré Ndagijimana, précise que ce sentiment construit petit à petit d'autres complications au niveau psychologique, comme la dépression. Les psychologues expliquent que quand une personne rumine la vengeance, elle crée des sentiments, des émotions négatives, notamment la frustration, notamment la colère, qui, au lieu de lui permettre de se reposer, d'éviter sa douleur, ça construit d'autres complications au niveau psychologique. Comme conséquence, cette sensibilisation conduit à la violence de masse. Je fais un exemple dans notre pays où nous avons vécu pendant longtemps des cycles de vengeance. Je ne nomme pas tel ou tel autre groupe, mais ce qui est sûr et que les Burundais connaissent, c'est que, par exemple, quand il y a eu des tueries de masse, les gens qui prenaient le devant à aller tuer les autres, à aller piller les biens des autres, finalement, ceux qui n'ont pas reçu un bon encadrement sont devenus des malades mentaux. Pour déconstruire, c'est le rôle des experts en matière de la réconciliation. On peut faire recours au mécanisme de justice transitionnelle. Les spécialistes dans ce domaine savent des techniques ou des approches à mettre en œuvre pour réussir ce pari. Par exemple, s'il s'agit des gens qui ont perdu les leurs, on ne peut pas ramener une personne qui est déjà partie au ciel. On peut, par exemple, construire un monument pour ces personnes. Et puis, les gens qui ont perdu les leurs, quand ils vont se recueillir là, ils diminuent ce sentiment de vengeance qu'ils avaient avant. Une autre chose, par exemple, sur le plan économique, c'est de permettre aux gens d'avancer. Par exemple, si donner du travail aux personnes. Désiré Ndagijimana trouve également qu'il faut des sensibilisations à l'endroit de la population et montrer surtout les conséquences de la vengeance. Ornella Mouchaki, nous disons merci. Et bien voilà, 13h15, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Innocent Mimonimana qui l'a mise en onde. Excellent après-midi à tous. Très bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.